Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Antoine de Saint-Exupéry, entre ciel et plume. Il y a des gens qui me disent, mais vous savez, des poussés à nom fameux. Moi, j'ai poussé à un aviateur. Et alors, il est devenu un grand écrivain. Et hélas, il a vu vraiment son succès, il ne l'a pas vu. Consuelo Sunsin, à propos de son mari Antoine de Saint-Exupéry, à l'émission Aujourd'hui en 1967, figure marquante du 20e siècle, Antoine de Saint-Exupéry est à la fois un passionné d'aviation, en même temps qu'un amoureux des mots, et toute sa vie, hélas trop courte, les aventures du pilote, l'homme d'action, vont nourrir les récits de l'écrivain, l'homme de plume. Le Petit Prince, son roman le plus célèbre, reste d'ailleurs aujourd'hui encore l'un des 5 livres à avoir été les plus vendus dans le monde. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède, là on aimait. De loin en loin luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Antoine de Saint-Exupéry lisant un extrait de son roman « Terre des hommes », extrait entendu à l'émission « Présent » diffusée le 3 mai 1967. Pour nous présenter Saint-Exupéry, l'homme, mais son œuvre aussi, je reçois Alain Vircondelet, qui est maître de conférence à la Faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris. C'est un spécialiste de Saint-Exupéry, auteur de nombreux ouvrages autour de son œuvre et de lui-même, de son parcours. Auteur, entre autres, de « C'était Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry » ou encore de « Renaissance d'Antoine de Saint-Exupéry ». C'est à Bordeaux que nous joignons Alain Vircondelet. Alain Vircondelet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Monsieur Vircondelet. Comment décrire cet homme qui a été à la fois aviateur, écrivain, philosophe à sa manière? Vous, qui le connaissez tant, aussi intimement, je dirais, comment vous le définiriez, vous, d'abord et avant tout? Quand vous dites intimement, vous avez raison, parce que je finis par l'appeler Antoine, ouais, comme un grand frère. Je crois qu'il s'est lui-même désigné, tout à l'heure, quand on a écouté cet extrait de Terre des Hommes, je crois qu'il s'est désigné lui-même ce qu'il est, c'est-à-dire l'homme qui essaie de rejoindre l'autre. Je crois que ce qui est important, c'est ce verbe-là, se rejoindre, comment faire pour se rejoindre. Ouais. C'est un homme qui a toujours pensé qu'il était séparé, qu'il était abandonné, qu'il était délié du monde. Et dès le début, il l'a dit, dès que je suis sorti du ventre de ma mère, je me suis senti jeté dans le monde. Alors, il n'a pas cessé tout au long de sa vie d'essayer justement de retrouver ceux qu'il croyait avoir perdus. Ouais. Et c'est toute l'histoire de Saint-Exupéry. Ouais. Comment se complètent, je dirais, les différents Saint-Exupéry? J'évoquais il y a un instant le fait qu'il est à la fois aviateur, à la fois homme de lettres, écrivain, philosophe aussi à sa manière. Comment se complètent mutuellement ces différents Saint-Exupéry? L'aviateur, l'homme d'action, par exemple, par rapport à l'écrivain, l'homme de plume? C'est un homme très complexe, en effet. C'est un homme qui a de multiples visages et que je me suis employé justement à révéler un peu parce que on avait jusqu'à présent l'idée simplement de l'écrivain qui était mort pour la France. Voilà, c'était devenu cela, un personnage comme ça un peu héroïque. Mais en fait, il y a plusieurs Saint-Exupéry qui apparaissent. Il y a l'homme d'action, effectivement, l'homme qui a toujours été qui était volontaire. Et puis en même temps, un homme qui a une profonde mélancolie en lui-même. Et je pense que la mélancolie, le sentiment de la solitude, ce sont des éléments nécessaires pour l'écriture. Et ce sont ces éléments-là qui lui ont donné envie d'écrire. Ouais. On a d'ailleurs ses amis, ses camarades de l'escadrille 233, ils disaient aussi bien « je suis de mon enfance » que « je suis de mon escadrille ». Ce besoin qu'il avait sans cesse de vouloir se relier, d'appartenir à l'autre, d'appartenir à un groupe, etc. était aussi assez mal vu même de la part de ses camarades qui trouvaient que quelquefois être un écrivain quand on était un pilote, c'était peut-être une trahison du pilote. Donc il a toujours été un personnage à la fois qui avait cette intensité, cette violence, côté multiforme, et en même temps qui se sentait profondément solitaire parce que les autres ne comprenaient pas cette multiplicité d'emplois qu'il voulait vivre. Ouais. L'enfance, vous en avez parlé, il avait cette formule, vous l'évoquiez, « je suis de l'enfance ». Parlez-moi en deux mots de cette enfance-là, de sa relation avec sa mère aussi, qui sera vraiment la femme de sa vie. C'est une enfance singulière, hein. C'est-à-dire que d'abord, il a perdu très tôt son père, et donc sa mère était une aristocrate désargentée, qui n'avait plus tellement d'argent, qui avait beaucoup d'enfants, et c'est une tante assez riche qui les a hébergés dans son château au-dessus de Lyon, à Saint-Maurice-de-Rémins. Et donc, il a vécu dans un château magnifique, dans un parc qui est devenu son lieu d'action, sa villégiature, et avec lesquels il vivait auprès de ses frères et sœurs. Et ça a été une enfance merveilleuse, magique, ouais. Quand on lit les souvenirs d'enfance de Simone de Saint-Exupéry, c'est-à-dire sa sœur aînée, qui raconte comment, justement, Antoine était le roi soleil, ouais. Comme l'appelait sa mère, le roi soleil de la fratrie. Ouais, et il a eu une relation alors très, très, très, fusionnelle avec sa mère, ouais. Qui a perduré jusqu'à sa mort et qui a certainement défié également cette relation-là, toutes les relations qu'il a eues amoureuses et qui ont été souvent des relations fâcheuses. Ouais. Puisqu'on parle de l'enfance de Saint-Exupéry, écoutons un prochain extrait qui, vous allez voir, Alain Vircondelet va nous conduire de son enfance à son début d'adolescence et surtout sa passion, cette passion hâtive qu'elle développera pour l'aviation. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission « Vie et mort de Saint-Exupéry » diffusée en 1954. Vous allez y entendre deux témoignages liés à l'époque où Saint-Exupéry fréquentait le lycée Sainte-Croix au Mans. J'allais oublier de vous demander, M. Gauthier, comment on appelait Saint-Exupéry au collège. Saint-Exupéry avait un surnom diminutif de son prénom Antoine, Tatane. Ce fut certainement le surnom le plus populaire de l'époque de tout le collège Sainte-Croix pendant la période où j'étais. Mon père, a-t-on gardé une copie, une composition française, par exemple, de Saint-Exupéry ? Oui, intitulée « L'Odyssée d'un chapeau ». C'est un devoir qui lui fut donné en février 1914 et pour lequel il obtint la note 12,5. On se souvient aussi d'un autre devoir qu'il fit, où il raconte son premier vol. Son premier vol en rêve ou en son avion ? Son premier vol, bien je crois que c'est en rêve. Ce que vous me dites me rajeunit un peu. Et je n'oserais l'affirmer catégoriquement, mais en réalité, je me souviens d'un de ses camarades très jaloux, parce que c'était un des rares qui, nous le croyons tous, avait eu le baptême de l'air. Il devait avoir dans les 13 ans à l'époque. Et qu'est devenue cette copie ? Hélas, elle est perdue. On le voit bien en écoutant cet extrait, Alain Vircondelet, Saint-Exupéry, il développe cette passion pour l'aviation très très jeune. Oui, il a eu, comme le dit la personne qu'on vient d'entendre, il a eu un baptême de l'air à l'âge de 12 ans et il avait fait une promenade à vélo en sortant de la propriété familiale à Saint-Maurice-de-Rémens, près de Lyon, et il s'est attardé un peu dans la campagne, et tout près de la propriété, il y avait un petit aérodrome, et là, il y avait un aviateur qui était prêt à partir avec un avion qui était, comme on l'imagine, assez précaire et fragile, et il a demandé à y monter. On imagine comment cette expérience a pu avoir lieu. Elle n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui avec toutes les mesures de sécurité qu'il y a. Et l'aviateur lui a dit mais est-ce que votre mère est au courant ? Il a dit oui, ma mère est au courant, elle est d'accord. Ah bon, ouais. Alors montez. Et c'est comme ça qu'il est monté et qu'il a fait ce premier tour et qui lui a donné une relative vocation. Mais cette vocation, on l'a vu, elle n'est pas née forcément de là puisqu'il voulait faire naval. Alors vous voyez, c'était autre chose encore. Ouais. Quand est-ce qu'il devient dans quel contexte, de fait, il devient lui-même pilote ? Il devient pilote après avoir fréquenté Louise de Villemorin, qui était sa fiancée et qui ne voulait pas du tout d'un garçon bohème est devenu à ce moment-là représentant de commerce de camions. Alors, vous voyez, c'était pas non plus du tout, on était vraiment terre à terre, on était sur le plancher des vaches. Mais il a eu cette chance inouïe d'être présenté à une compagnie naissante qui était celle de la TECOR. et de cette aventure incroyable qui était de vouloir relier les continents entre eux par la voie postale. Et donc, ça s'est appelé l'aéropostale, bien sûr. Et il est devenu donc un des pilotes pionniers de l'aéropostale, avec Didier Dora et Mermoz et bien d'autres encore. Et donc, Guillaumet aussi. Et donc, il a commencé à établir cette relation entre différents continents et il a été donc dans la solitude de l'avion, tout seul sur les avions inimaginables, des avions qui étaient très fragiles, qui étaient même des vols très risqués. Il transportait le courrier, ce qui était encore une manière à lui de, philosophiquement, je dirais, de rassembler sa propre philosophie. C'est encore une fois l'idée de relier les hommes entre eux. Voilà. Et ce qui va l'amener, entre autres, jusqu'en Argentine, et puis assez rapidement, alors qu'il pilote donc son avion, il se met aussi à écrire. Il y aura dans les années 20 un premier roman, Courrier Sud, en 1929. Vont suivre Vol de nuit en 31, qui va obtenir le Fémina, et puis Terre des hommes en 39. Terre des hommes, qui est votre roman préféré, Alain Vercondelet, pourquoi? Oui, je dirais pas roman, c'est un texte véritablement, parce qu'un roman, il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment son histoire à lui, c'est presque autobiographique. J'aime ce livre parce que c'est un livre qui donne une force de vie incroyable. Dans une littérature contemporaine où aujourd'hui, justement, les thèmes sont assez dépressifs et angoissés ou très apesantis par le malheur de la mort ou de la maladie ou des attentats, etc. Toute la littérature contemporaine est nourrie de cela, mais chez Saint-Exupéry, au contraire, c'est une sorte de désir de vie, il y a une force de puissance, il y a un courage qui alimente le texte et qui le ressource complètement et qui vous ressource quand on le lit aussi. C'est pourquoi j'aime beaucoup Terre des Hommes, parce qu'il dit des choses d'une très grande profondeur. Ouais. Il faut faire évidemment vite, ça passe rapidement cette émission. Un mot pour dire qu'en 39, donc, parce qu'il est pilote bien sûr, il transporte ce courrier, mais il est aussi pilote de guerre en 39, il va s'illustrer d'ailleurs au-dessus d'Arras en 1940. Il est démobilisé en août 1940. Et puis, il décide alors de partir pour New York, où il arrive en décembre 1940. Pourquoi décide-t-il de partir pour New York? Bien d'abord parce qu'il il va être reconnu comme un très grand écrivain à New York et il va recevoir un prix. Et donc, ça, c'est très important, bien sûr. Et il y va pas pour s'y installer définitivement. Hein, c'est pas pour fuir, comme on a pu le prétendre, ou pour déserter. Pas du tout. Il est parti parce qu'on l'avait invité. Alors, il est parti à New York et là, il a rejoint la petite communauté d'intellectuels et d'artistes qui avaient quitté également la France, voyant ce qui allait se passer. Et donc, il a vécu là-bas et il a été... je dirais, il a vécu une expérience qui était une expérience très très douloureuse et qui a assombri totalement la fin de sa vie, c'est-à-dire la dépression. Il a été victime d'une dépression, mais terrible. Hein, ouais. Je veux dire qu'il a vraiment achevé et la seule façon de s'en sortir, c'était de piloter de nouveau, mais là, il avait presque atteint l'âge limite pour pouvoir le faire. Ouais, et ce qui fait qu'il sombre dans cette dépression qui commence donc durant ce séjour américain, c'est qu'il est un peu par André Breton, le surréaliste qui est là-bas, mais par d'autres expatriés français de cette Deuxième Guerre mondiale. Il est un peu mis au banc, on l'accuse d'être pétainiste. Oui. Avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire de sa position par rapport à un De Gaulle, par rapport à la position qu'il avait pendant cette Deuxième Guerre mondiale, en fait? C'est toujours la même idée qu'on a dite tout à l'heure, rejoindre, relier. Il a vu que la France était divisée entre les résistants et les collaborateurs et il n'avait qu'une envie, un peu comme Albert Camus d'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, relier les parties adverses entre elles et faire en sorte de sauver ce qui était le plus important à ses yeux, c'est-à-dire la nation, le pays, la France, la patrie. Ouais. Et donc il a voulu effacer les erreurs des collaborateurs et il a voulu aussi effacer les violences des résistants et les rassembler, les faire retrouver l'unité. Mais ça, on ne lui a pas pardonné parce que véritablement, là, De Gaulle a tout fait pour annuler ce projet qu'il avait d'unité. Pour certains, donc, il y avait... c'était un homme qui n'était pas pétainiste, qui n'était pas pétainiste, mais qui aimait les valeurs du pétainisme, qui était travail, famille, patrie, ce sont les trois grands mots de Saint-Exupéry aussi. Lors de son séjour aux États-Unis, deux petites choses, en fait. Il va écrire un livre, Pilote de guerre, en 42. En fait, il va aux États-Unis aussi pour convaincre les Américains de s'engager dans le deuxième conflit mondial. Et puis, il ira au Québec, au Canada, durant ce séjour aux États-Unis. Il va passer ici un peu de temps. Et lors de son passage au Québec, il va séjourner chez son ami Charles de Coninck. On écoute son fils Thomas, Thomas de Coninck, qui était enfant au moment du passage de Saint-Exupéry à Québec. Et, certains disent que c'est peut-être un peu lui, le petit prince. On l'écoute donc parler du petit prince, Thomas de Coninck, à l'émission Contre-champ en 1983. Dans votre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes peut-être le petit prince? Eh bien, il y a mon épouse qui a dit, mais ça, c'est sûrement... Non, non, c'est... Pour elle, elle est certaine que c'est vrai parce qu'elle dit que je viens d'une autre planète, n'est-ce pas? Alors, mais vous savez, je répète, hein, ça peut vraiment être n'importe quel enfant. Voyez-vous, c'est l'émerveillement de l'enfant, l'étonnement de l'enfant, n'est-ce pas? C'est ça qui est tellement important. Est-ce que vous venez d'une autre planète? Ah, je ne sais pas, c'est pas... Nous venons tous, en un sens, d'une autre planète. Hein? C'est ça qu'il veut dire, Saint-Exupéry. C'est que nous leurrons, n'est-ce pas? Nous nous leurrons parce que... Alors, ce thème, n'est-ce pas, ce qui est essentiel, est invisible pour les yeux, qui est le thème qu'on a beaucoup associé, à juste titre, d'ailleurs, le secret du renard. Ce qui fait la beauté, c'est ce qui est invisible, n'est-ce pas? Ce qui fait la beauté, c'est... ce qui embellit le désert, dit le petit prince, vous vous souvenez, ce qui embellit le désert, c'est le puits qui est caché. Alors, le regard de l'enfant est profond. Le regard de l'enfant est intérieur. Dès le début, avec ses dessins, n'est-ce pas, le bois et l'éléphant dans le chapeau, il n'y a que l'enfant qui comprend ça. Alors, ce thème contre la grande personne qui ne comprend jamais rien, n'est-ce pas, c'est fondamental. Parce qu'il y a quand même, heureusement, toujours l'enfant en nous. Il s'agit de le réveiller, de le rappeler. Alors, comment arrive le petit prince dans la vie de Saint-Exupéry? Puis pour poursuivre sur l'extrait qu'on vient d'entendre, Alain Vire-Condelet, qui est le petit prince? Oh, le petit prince, c'est un personnage très syncrétique. C'est un personnage qui a rassemblé beaucoup d'enfants qu'il a connus, dont particulièrement Thomas de Coninck, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il puisse s'attribuer totalement la paternité de, de cette image. Non, il y a eu beaucoup d'éléments qui rassemblent et qui ont fait que c'est devenu, à un moment donné, sous sa plume, un personnage. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, un dessin, un autoportrait de Consuelo de Saint-Exupéry qui date de 1934, donc 4 ans après leur mariage, où elle s'est elle-même dessinée déjà en petit prince. Donc, avec l'écharpe, avec les cheveux en bataille, avec les étoiles en fond de dessin, il y a déjà quelque chose qui, d'ailleurs, c'est tellement évident que moi, je l'ai mis en couverture de mon livre sur la véritable histoire du petit prince que j'avais écrite. Donc, Saint-Exupéry avait le culte de l'enfance et il adorait justement aller voir les enfants et il était descendu dans la salle de jeu en sous-sol de la propriété des Coninck à Québec. Et là, il avait rencontré ce jeune garçon de 8 ans, dont on vient d'entendre la voix maintenant, adulte. Et effectivement, il a trouvé qu'il lui ressemblait quelque part. Mais il y avait d'autres personnages, et lui-même d'abord, et lui-même, et peut-être l'enfant qu'il n'a pas eu non plus. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba. Et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Le petit prince s'endormait. Je le pris dans mes bras. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Et marchant ainsi, je découvris le puits, au lever du jour. Et je croyais rêver, car c'était un puits de village. Il n'y avait là aucun village. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Un passage du Petit Prince lu par Gérard Philippe, extrait diffusé à l'émission Contre-champ en 1983. Le Petit Prince, ça reste aujourd'hui encore, Alain Vire-Condelet, l'un des livres qui a été le plus vendu dans le monde. Pourquoi? Comment expliquer que tant de gens aient été si touché par ce livre-là? Ben, je pense que c'est un livre qui a été donc traduit dans toutes les langues pratiquement que le monde ait pu connaître, jusque dans des dialectes et de tribus très très très lointaines. Et je pense que c'est parce que justement Saint-Exupéry adopte une langue qui est universelle. C'est-à-dire que ce qu'il dit peut être entendu à tout niveau et de partout et à n'importe quel période de la vie. Ouais. Et donc, il y a cette universalité-là qui échappe à tout ce qui peut être contemporain. Vous savez, à un moment donné, moi, dans les archives que j'ai retrouvées, Saint-Exupéry avait eu l'idée de faire du serpent un personnage qui pouvait être l'image du nazisme, d'un nazi. Et donc, il avait mis autour du boa, il avait mis une croix gammée. Et sa femme, Consuelo, lui a dit, enlève cela, enlève ce brassard, parce que tu vas faire de ton récit un récit qui va être ponctuel sur la guerre. Et il faut que ton récit dépasse la guerre. Ouais. Et de fait, aujourd'hui, c'est un livre qui est lu dans toutes les civilisations. Ouais. On termine avec la mort de Saint-Exupéry. Vous le disiez d'entrée de jeu au tout début de l'émission, on l'a longtemps associé, on en a fait cette espèce de héros mort pour la patrie. Effectivement, c'est lors d'un vol, son dernier vol, le 31 juillet 1944, que Saint-Exupéry disparaît. Il y a tout un mystère autour de cette mort-là, avec le recul du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de sa mort? C'était sa dernière mission. C'est ça qui est un peu rageant. C'était celle qu'il devait achever et il devait après retrouver la France ou sa famille. Et donc, il est mort là, cette fameuse matinée de juillet 44. Il a été abattu manifestement. Hein. Ça, je crois qu'on ne peut plus dire maintenant qu'il se serait échappé, qu'il aurait rejoint la Libye, qu'il se serait réfugié dans un monastère. Enfin, on a entendu plein de choses. Non, il a été véritablement abattu. Il a été abattu pour une raison précise, d'abord, parce qu'il avait toujours l'habitude de ne pas se retourner et pas savoir ce qu'il y avait derrière lui, même dans un combat, d'un combat aérien. Alors, il n'avait pas de rétroviseur, si j'ose dire, et il n'a pas vu venir ce qui était derrière lui et qu'il a abattu. Et puis maintenant, on sait, on a retrouvé quand même quelques traces, et on a retrouvé dans la mer, on a retrouvé les traces de son moteur, et avec les numéros qui attestent que c'est bien le sien. Mais, rien ne nous dit que Saint-Exupéry, qui était tellement désespéré, il a dit, la veille de sa mort, hein, il a dit « Je voudrais me laver de leurs injures dans la mitraille ». C'est une phrase terrible hein, qu'il a prononcée. « Me laver de leurs injures », c'est-à-dire les injures de Breton que vous avez citées tout à l'heure, les injures de ceux qui l'ont attaqué, et se laver dans la mitraille. Donc, il avait pensé véritablement qu'aller au combat, alors qu'il n'avait pas une mission armée, hein, qu'il avait une mission uniquement photographique, aller au combat quand même, c'était une manière de, je dirais presque de baptême et de se laver de tout ça. Et il a été abattu. En même temps, on pense que peut-être aussi il a pris des risques. Il est descendu très bas parce qu'il voulait visiter la propriété où était sa sœur à Hagué. Et peut-être a-t-il pris des risques. Et il croyait toujours qu'il avait la baraka, mais il ne l'a pas eu ce matin-là. Alain Vercondelet, c'était passionnant. Merci infiniment de cette participation à notre émission. Merci à vous. Alain Vercondelet, enseignant-chercheur, maître de conférence à la Faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris, auteur de nombreux ouvrages sur Saint-Exupéry, dont Renaissance d'Antoine de Saint-Exupéry ou encore La véritable histoire du Petit Prince. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.